ça. Mais non, ouais, de ça, on va pas parler de ça. Mais si on parle des nouveaux, les anciens. Bon. Ça veut dire qu'on parlera pas des anciens. Oui, ce que je veux dire, c'est par rapport aux anciens, si les nouveaux ont des qualités que les anciens n'avaient pas, ou il y a quelque chose qui les différencie, puisqu'on dit les nouveaux aristocrates. Bon, ça, c'est l'explication du titre. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on doit pas chercher à. Qu'est-ce que c'est les qualités qu'on doit chercher à avoir des aristocrates, mais puis ce qu'on doit laisser tomber par rapport à ce qu'il y avait avant? Mais premièrement, faut-tu en être? Oh, ben là, tu viens de tout casser ma question. Qu'est-ce qui fait que les anciens aristocrates ont été déchets? Ils n'ont pas écouté ce qu'on veut dire. Pendant que tu parles, j'ai pas compris. Pas aristocrate. Aristos-Kratos. Un bon gars? C'est des pastiques, je peux pas dire. Franchement, c'est pas le même pas. Alors, c'est le pouvoir de l'élite. Il y a deux formes d'aristocratie dans le passé. Il y a la bourgeoisie et l'aristocratie. C'est sûr qu'on peut utiliser beaucoup sur les mots, là, mais dans l'essence, dans l'énergie, il y a une différence. Exactement comme connaître et savoir, c'est pas la même chose. On peut s'abstiner sur les mots, mais dans l'énergie, c'est pas la même chose. Je sais que je vis, je ne connais pas que je vis. Je connais la ville de Montréal, je ne sais pas la ville de Montréal. Il y a une différence. Alors, c'est la même chose au niveau aristocratie. On parle d'aristocratie. Énergétiquement, ça veut dire quelque chose. C'est évident qu'il y a des personnes qui ont des mémoires de l'aristocratie du passé, des mémoires d'aristocrates véreux. Mais là, on parlera souvent de bourgeoisie. De snob, etc. L'aristocratie, si on l'étudie au niveau historique, on doit quand même reconnaître que les sciences ont été développées par les aristocrates. L'art a été développé par les aristocrates. Toutes les sciences, donc la médecine, la chimie, la physique, etc., les écoles ont été implantées par les aristocrates. Les premières œuvres de charité ont été amenées par les aristocrates. L'irrigation des terres, le partage des terres, les lois, bref, tout ce qui a été amené convenablement sur le plan planétaire a été amené par des aristocrates. On a des aristocrates dans les contextes religieux, on a des aristocrates dans les contextes, disons, plus temporels. Est-ce que les aristocrates et les nobles, est-ce que c'est la même chose? Dans la majorité des cas, oui, mais encore une fois, dans les nobles, on aura encore une division, il y aura des bourgeois. Il y aura des snobs. Puis quand je parle de bourgeois, c'est la partie moins plaisante de l'aristocratie. Bon, c'est sûr que je peux dire aujourd'hui, moi je suis un bourgeois. Je ne suis pas un bourgeois. Je ne dis plus jamais ça. Non, tu es un bourgeois. Ça marche. Ça va. Bon, alors, je voulais dire. Un bourgeois. Peut-être qu'il n'est pas un bourgeois. Bon. Alors, il y a les parvenus. Je compare souvent de la bourgeoisie, des bourgeoisies, des snobs. Donc, dans l'aristocratie, ce qui est intéressant, c'est que la chevalerie est aristocrate. La noblesse est aristocrate. Il y a des chevaliers, des mains qui n'ont pas d'allure, des nobles qui n'ont pas d'allure, etc. Là, il y a des parties mondaines, il y a bien des individus qui se retrouvent dans l'aristocratie sans savoir d'où ils sont là. Et ils ne sont pas capables de supporter l'énergie de l'aristocratie, donc ils méritent. Alors ils s'en vont. Ils donnent tout. Ils rentrent dans des ordres monastiques. Ils se suicident. Ou bien, ils vont commencer à s'obscurcir la conscience. Ils vont faire des orgies, ils vont dépenser, puis ils vont bafouer l'humain. Ou bien, ils vont se prendre pour des êtres supérieurs. Ils vont regarder la vie de la population en leur cachant dessus. Ça, c'est une partie du mauvais côté de l'aristocratie, c'est-à-dire ce sont des individus qui se ramassent aristocrates. Un peu comme on a par exemple un père et une mère qui construisent un empire familial, puis après deux générations, parmi les réincarnations qui vont arriver dans leurs petits-enfants, il y a des réincarnations de pauvres qui sont là-dedans. Puis eux autres, là-dedans, ils ne savent pas trop. Normalement, la troisième génération tue l'empire. La première la crée, la deuxième va l'émanciper, la troisième va la détruire. Bon. Au niveau des empires familiaux. Mais toi, est-ce que tu considères que les deux premières générations, ce sont des aristocrates? Pas nécessairement. L'aristocratie, c'est donc quelque chose qui est évident. L'aristocratie, c'est tout ce qui a trait à l'être humain capable de recevoir de l'intelligence et capable de le rayonner dans la matière de façon à organiser la matière autour d'elle pour que la matière finisse par supporter son niveau d'énergie de façon à ce que l'individu ne puisse pas redescendre. Ça, c'est l'aristocrate. Je n'ai pas posé dans le dictionnaire. Ça, ça c'est un nouvel aristocrate. Non, c'est l'aristocrate. Même, même les anciens correspondent à ça. C'est l'aristocrate, c'est pas l'aristocrate avant. Mais là, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu d'aristocrate. Ils ont disparu, les aristocrates, actuellement, parce que ce qui fait avancer le plus la science, les sciences, tout ça, c'est, actuellement, c'est les guerres. C'est parce qu'il y a de la guerre que les sciences avancent. C'est une bombe ou... Non. Oui. Alors c'est pour ça que depuis tout à l'heure, tu as le bras qui est le même, puis il pousse, puis il joue des boutons, puis... Parce que j'ai un peu ouvert mon micro. Ah! Mais là, il est ouvert. Il t'a servi... un avertissement tantôt, mais... T'as pas décodé. Bon. On reprend à la conférence au début. Actuellement, les aristocrates sont plus au pouvoir. C'est non, il y a des aristocrates qui sont au pouvoir. Mais regardez, c'est au niveau réincarnationnel. Hein, ça paraît qu'on est micro ouvert, hein, ça pas mieux, hein? Ah, bon. L'être humain vit socialement. Il y a des corps physiques, des bonnes génétiques qui, à un moment donné, vont attirer des réincarnations d'âmes plus capables de supporter de l'intelligence, capables de supporter de l'amour intelligent, donc de l'intelligence qui est du cœur. Et puis, normalement, ces personnages-là vont organiser les peuples, ils vont organiser les tribus, ils vont organiser les tribus, les peuples, ils vont organiser ça en société. Et nécessairement, il y a une aristocratie qui va être créée, c'est-à-dire les dirigeants, qui dirigent parce qu'ils sont les élites. Mais là, ces gens-là, à un moment donné, meurent. Tu parles au passé, là, ça s'est produit dans le passé. Des gens qui étaient en contact avec l'intelligence qui avait du cœur. Oh oui. Oui, mais c'est parce que toi, là, tu es extrémiste. J'en demande beaucoup, peut-être. Non, mais quand, à l'époque, le bloc-bloc, ou là, mettons, 1000 ans, quand t'es un homme, t'appelles sa femme, là, si t'avais 17 coups, là, c'était normal. Si là, on en a 15, là, c'est un maudit bon gars. C'est un bon gars. Puis toi, tu dis, ben non, 15 puis 17, c'est pareil. C'était un maudit bon gars, parce que lui, à 15, là, il était plus capable d'en donner. Fait qu'il avait de l'intelligence, qu'il avait du cœur. T'es capable d'aimer. C'est sûr qu'il était ajusté à l'époque. Mais non, c'est vrai. Il était ajusté à l'époque planétaire où il était. Bon, l'autre est rentré, il tuait tout le monde, les femmes, les enfants, les vieillards, tout le monde, les blessés. L'autre est rentré, il tuait avec les hommes, il sauvait les femmes et les enfants. Il violait les femmes, puis il transformait les enfants en esclaves. Mais c'était déjà mieux. Je comprends que t'es exigeante. Moi, je ne dis pas que je suis d'accord avec ça. Je te dis que l'amour apparaît progressivement. Jusqu'un jour, quelqu'un va dire qu'il aime bien, châtie bien. Dans le sens, châtie beaucoup. Bon, alors il punissait, bon. L'amour, à un moment donné, il y a des personnes qui vont violer ou agresser ou battre parce qu'ils aiment aussi. Alors là, il y a des nuances dans l'amour. Aujourd'hui, évidemment, je sais bien que l'amour que tout aimerait avoir, dans quelques années. Donc, on en était où, tout ça, là? Avec l'amour, mais en tout cas, non, on était avec... Mais c'est que, justement, actuellement, ce qui règne, là, c'est les guerres. Bon, c'est ça, on est tout, à l'heure. Tout est... C'est à ceux qui ont... Les guerres centrent toutes les sciences et le développement. Oui et non. Parmi les militaires, les militaires qui dirigent sont souvent des aristocrates. Oui, il y a de l'aristocratie là. Oui, mais j'en ai rencontré. Il y a de l'aristocratie là. Il faut dire que toi, tu es allé faire un tour dans un endroit particulier où effectivement les aristocrates n'étaient peut-être pas présents. Non. Bon, on appelle ça le Vietnam. Mais, mais j'avoue, les aristocrates ne sont pas niaisés à ce point-là. Mais c'est... Non, voyez donc. Ben, à la crise d'Oka, par exemple, on en a vu, puis c'est vrai qu'il était, oui. Il était bien. Non. Militaire. Il y a, parmi les militaires, il y a des aristocrates. Parmi les scientifiques, il y a des aristocrates. Il y a des bourgeois, puis il y a des snobs, il y a des parvenus dans tout le lot complet, là. Bon. Mais il y a des aristocrates. Parmi les dirigeants, il y a des aristocrates. C'est sûr que vous allez me demander, par exemple, est-ce que Robert Bourassa est un aristocrate? Non, je ne demande pas une question. OK, il ne me pose pas une question. Au Québec, on n'a pas beaucoup d'aristocrates. Au Canada non plus, d'ailleurs. Parce qu'habituellement, les aristocrates ne sont pas tous dans les classes dominantes, oui. Effectivement. C'est ce que j'expliquais, donc, en l'homme de fait. Là, je suis revenu, coupez-moi plus, ça va. À un moment donné, on meurt. Là, vous savez là où on était. Je ne sais pas comment les aristocrates en arriver, là. Les aristocrates ont eu des enfants habituellement. Et puis les enfants étaient aristocrates. Les parents se réincarnent dans les enfants. Mmh. Puis il y a d'autres entités. Et à un moment donné, parce qu'on voulait préserver le sang aristocrate, le sang royal, et les mariages étaient consanguins. Il fallait se marier dans la famille royale. Était évidemment un peu, mais il y avait beaucoup de monde dans la famille royale. Mais après X générations, la famille royale était plus nombreuse, mais de moins en moins intelligente, à cause des mariages consanguins. Alors, à un moment donné, nous autres, l'intelligence, quand elle veut se réincarner dans l'aristocratie, ne peut plus, parce que les corps physiques naissants dans l'aristocratie maintenant sont trop altérés par les mariages consanguins. Alors, à un moment donné, ça saute, ça se réincarne dans l'élite du peuple. Pas dans l'élite de l'aristocratie, parce que c'est plus de l'élite. Ça se réincarne dans l'élite du peuple. Et là, ce qui arrive, c'est que l'élite du peuple finit par avoir l'impression qu'ils sont du mauvais bord du château. Le gars qui est dans le champ, le petit jeune, là, puis il se dit, « Moi, là, je ne veux pas être dans le champ. » Mais lui, c'est parce que c'est un ancien aristocrate dans le château. Alors, à un moment donné, il va ramasser toute la gang des paysans, il va faire une révolution, il va sacrer le monde du château dehors dans le champ, puis lui, il va venir prendre sa place. Et c'est normal, c'était sa place, là, 300-400 ans. Et là, ça va mieux. On replace les choses, puis les générations, le sang sanguin est important, c'est le sang sanguin, le sang royal, le sang sanguin, c'est important, ça. C'est comme le centre du milieu, ça, faut toujours viser ça. Non, mais c'est vrai, là, il tombe, rien ne sert, il faut toujours. C'est des choses importantes à tenir, ça. En tout cas... Mais ça, ça veut dire que... actuellement, l'aristocratie se trouve... Ça veut dire que présentement, l'aristocratie se trouve... Elle n'est pas dans le château. Ouais. Il y en a un petit peu dans les classes. Mais non, il y en a! Parce que... Bon, la différence avant, c'est que l'aristocratie, c'était celle qui dirigeait, c'était celle qui avait l'argent. Aujourd'hui, ceux qui ont l'argent ne sont pas nécessairement aristocrates, ceux qui dirigent ne sont souvent pas aristocrates. Alors, ceux qui sont aristocrates n'ont pas les moyens et de direction et de moyens financiers et de temps qu'avaient les aristocrates. Alors, c'est difficile de se reconnaître si tu as l'impression de ne pas être à la bonne place au bon moment. L'être humain qui se conscientise, j'ai déjà expliqué à du monde à un moment donné que poser la question, là, l'enfer, c'est quoi? L'enfer, c'est quand tu rentres au ciel avec de la conscience. C'est l'enfer. L'humain qui se conscientise sur la Terre, même si pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, là, il trouvait ce petit beau, les petits moineaux, puis de belle, à un moment donné, il se rend compte que les aigles, ils bouffent les petits moineaux, puis que le chien, il mange de beaux petits écureuils, puis que, maudit, t'as fait jamais sa planète. Quand il prend conscience, là, il se ramasse en enfer. Alors que, v'là deux jours, il est au paradis. Plus l'être humain se conscientise dans tous les échelons de la société, dans toutes les nations, plus l'humain qui se conscientise a l'impression de ne pas être à bonne place. Mais là, il faut comprendre ces choses-là. Premièrement, la richesse planétaire a toujours été interdite à l'homme. L'être humain n'a jamais été riche. Puis l'aristocrate, le nouvel aristocrate, va rechercher la richesse. Mais la richesse, pour l'être intelligent, c'est le temps et la matière. On a parlé à un moment donné. Présentement, on sait très bien que les pays qui ont beaucoup d'argent, ben, les humains qui vivent dedans n'ont pas le temps. Puis les pays qui ont beaucoup de temps, ben, les humains qui vivent dedans n'ont pas d'argent. Ils sont pauvres. Mais les anciens aristocrates avaient ça. Les anciens aristocrates, donc les rois, avaient et le temps et l'argent. Bon, mais c'était limité. Puis parce que l'humain, à un moment donné, n'est pas capable de régir convenablement la richesse, ça finissait par faire en sorte qu'on faisait des orgies, donc on dépensait son temps et son argent à des futilités. Il faut dire qu'il y avait des mariages consanguins, on a parlé, donc ça faisait en sorte que progressivement, l'intelligence était tarie dans l'humain. Le nouvel aristocrate va donc s'arranger maintenant pour rechercher. L'homme d'affaires, la femme d'affaires, se lance vers la matière. Le spiritualiste, normalement, se lance vers le temps. L'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau, l'aristocrate nouveau, doit s'arranger pour aller chercher les deux. Aller chercher les deux, ça veut dire qu'on doit être capable d'établir dans son plan de vie, dans sa conscience actuelle, des mécaniques qui vont nous permettre, à un moment donné, d'ajuster suffisamment notre contact avec l'intelligence pour être capable d'aller chercher la matière et le temps. d'abord le temps et la matière, après on va aller chercher la santé. Après on va aller chercher, pas le petit virus de grippe, là. Après on va aller chercher, ah oh, c'est sûr qu'à un moment donné on n'a plus. Quand on était assez conscient, hein? Quand on est assez conscient, on l'a encore, ça ne marche jamais. On va aller chercher un environnement écologique aussi. Pas de virus? Pas de virus. Gros dôme. Ah oui? Immense dôme. Progressivement, on va aller chercher toute une panne de petits phénomènes qui vont faire en sorte que l'aristocrate va redevenir l'être dirigeant. L'aristocrate, le nouvel aristocrate, c'est l'être qui nécessairement est intelligent, donc il n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre à vivre. L'être intelligent n'a pas besoin d'expérimenter une condition pour l'évaluer. Ça veut dire que l'être intelligent sait, avant d'agir, si c'est correct ou pas. Alors que l'être qui est intellectuel sait, après l'avoir fait, si c'était bon c'était pas correct. Ou pas. Ah, l'expérience va finir par l'amener à savoir avant. Il peut se tromper, parce que cette fois-là, c'est la seule fois que ça aurait été bon. Il ne l'a pas fait. L'être intelligent. Alors, l'être intelligent, l'aristocrate, le nouvel aristocrate, va avoir besoin de s'instruire sur la science planétaire. Donc, quand je dis qu'il n'aura pas besoin d'aller à l'école, je parle au niveau d'apprendre à vivre. Il sera, par exemple, il sera écologique. Bon, tu l'as dit tout même tout à l'heure. L'écologie, c'est la science majeure de l'aristocrate et c'est la science majeure de l'être nouveau. L'écologie, ce n'est pas ne pas jeter son petit Kleenex par la fenêtre de l'automobile. L'écologie, c'est la science de la compréhension des conséquences. L'écologie, c'est l'apanage de l'être intelligent. Il a la capacité de comprendre les conséquences de ce qu'il va exprimer dans le contexte planétaire, on dira de ses actes. Ça veut dire qu'il va être capable, l'aristocrate, d'entrer dans une église. Il va voir des gens s'agenouiller, faire, mettons, une génuflexion. Puis lui, il n'est pas religieux, il n'a pas besoin d'être. Il va faire sa génuflexion lui aussi. Pourquoi? Parce que c'est pas un parvenu, c'est pas un snob, il ne rentre pas dans l'église pour aller montrer au petit clin qui lui, il ne fait pas ça. Puis il ne perd pas d'énergie à combattre la forme. Il ne perd pas d'énergie à combattre la forme, c'est essentiel. Il va aller s'asseoir à une place correcte. Il ne passera pas son temps pendant qu'elle prête pas à regarder le monde pour voir si, hey, ils font du semblant, ben non, s'ils croient pour la tête. Il va rechercher ce qui est brillant dans ce que le prêtre dit. N'importe quel être humain qui parle a de quoi de brillant à dire. Il va rechercher ce qu'il dit. Il va ramasser de l'énergie. Il va sortir de là. Ça ne veut pas dire voilà, mais c'est le dimanche. Ou tous les samedis, ça n'est pas la religion. Ça veut simplement dire que c'est un être aristocrate. Ça veut dire que lui, quand il va rencontrer un enfant, il va automatiquement être aimé. Il ne recherche pas à être aimé. Il va être aimé. Ça veut dire que lui, quand il va rencontrer un écureuil, qui est en train de manger des pilotes, il va probablement lui donner un peu. Parce que c'est esthétique. Parce que c'est intelligent. Parce que c'est aristocrate. Mais pas... À un moment donné, par exemple, il va aller dans une réunion où les gens doivent amener de l'énergie. Donc, les gens vont arriver habillés avec des vêtements style tuxedo. Les filles, les femmes arrivent avec des vêtements corrects. Tout le monde est habillé, on va dire, riche. Mais l'aristocrate va arriver aussi habillé riche. Pourquoi il arrive habillé riche? Il doit arriver habillé avec une conception matérielle qui exprime au maximum la subtilité de l'intelligence de l'homme, puis de la femme, puis de l'enfant. Ça veut dire que si j'arrive avec un bijou extrêmement travaillé, extrêmement fin, il y a de la subtilité là-dedans. J'arrive avec un vêtement qui est bien taillé, d'une bonne étoffe, j'arrive avec, bon, des choses comme ça, c'est une subtilité. C'est l'expression énergétique, pas en face des autres. C'est sûr que les ignorants et les ignorantes, ceux qui ne sont pas au fait de la solidification des planchers énergétiques chez l'être humain qui se conscientise pour empêcher qu'il redescende, vont dire à quoi ça sert. N'empêche que... On a un vendeur qui s'en va vendre avec Salada, il vend. Un mois après, on lui donne une automobile un peu plus huppée, il vend plus. Après, on lui donne une Cadillac, il vend maudit. Après, on lui donne une Mercedes, puis il vend plus rien. Il s'est passé simplement que la Lada, ben, elle y amenait ce qu'il fallait pour vivre en Lada. À un moment donné, le gars se conscientisait un peu, il s'habille un peu différemment, il cherchait une nouvelle cravate, des souliers neufs, puis il m'a amené 100 mètres à sa Lada. Énergétiquement, la matière ne le supporte plus. C'est dangereux. Il va aller s'acheter une automobile peut-être un peu mieux. C'est parfait. Jusqu'à la Cadillac, c'est parfait. Quand il allait s'acheter une Mercedes, c'était au-dessus de lui, il est devenu un parvenu, il a écœuré ses clients, c'est perdu. Est-ce que les nouveaux aristocrates réincarnent nécessairement des anciens aristocrates? Je vais vous expliquer une chose. La réincarnation. Présentement, il y a des entités qui se réincarnent chez vous. Trois là-bas. Et puis, on se réincarne 24 heures sur 24, tout au long de notre vie. C'est pourquoi on est en changement souvent, puis on se trouve pas, c'est qu'on se fie trop aux mémoires. C'est ce qu'on est nous autres. Un matin, je me lève, là, puis j'ai le goût, il me semble, de peinturer mon mur en mauve. Puis moi, dans ma tête, je me dis, c'est pas moi, ça, j'ai pas, c'est mon mur en mauve, moi, je sais pas, c'est pas mon mur en mauve. C'est simplement une entité qui est rentrée, qui aimait le mauve. Fait que dans une heure, elle est digérée. Celui qui fait bien, bien confiance à son état émotif immédiat. Il faut qu'il s'exprime tout de suite, tout le temps. Mais lui, il passe à la peinture. Bon. Là, il faut comprendre mes affaires. L'être humain, globalement, dans son ensemble, fait la peinture souvent. J'ai dit le capiste, c'est moi. L'être humain, dans son ensemble, c'est un être qui a de l'intelligence, c'est un être qui a la capacité d'être autonome, puis qui est totalement encapsulé par des formes. L'astral. L'astral, c'est ce qui passe dans la cabroche de l'humain, c'est ce qui manipule sa pensée, puis c'est ce qui fait que l'humain s'en va toujours d'un bras puis de l'autre. Lentement, progressivement, quand l'humain va percer la sphère de son astralité, il va commencer à devenir conscient un petit peu, puis du moment qu'il devient conscient un petit peu, l'humain va être capable de se centrer dans son intelligence, c'est ce qui va l'amener à être capable d'être bien avec rien. Si l'humain est capable d'être bien avec rien, il devient l'aristocrate. L'aristocrate, c'est celui qui va avoir la capacité maintenant de rayonner son bien-être avec rien dans la matière. Je ne suis pas le premier à dire qu'à un moment donné, l'humain va être bien quand il va être débarrassé. Depuis longtemps, on dit que la possession, c'est un problème. Les curés l'ont dit. Puis, eux, quand ils ont dit que la possession était un problème, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Mais ils avaient raison. La possession matérielle était un problème. C'est faux. C'est la possession par les entités. Être possédé. Pas possédé. Être possédé qui est un problème. Je possède une épée. C'est pas un problème. Je suis possédé par un tueur. Même sans épée, je suis un problème. Ce n'est pas la possession matérielle qui est le problème de l'humain, c'est que l'humain est possédé par tout ce qui habite le monde astral. Quand l'humain se centre dans son intelligence, il devient dépossédé. Donc l'humain est bien avec rien. Ça veut dire quoi? L'humain est bien sans philosophie. L'humain est bien sans système de valeurs. L'humain est bien sans religion. Ça ne veut pas dire que l'humain renie. L'humain n'a pas besoin de technique. Ils mettent en contact. Est-ce que les autres, quand ils ont parlé de ça, ils ont parlé du matériel? Bien, eux, c'est qu'ils ont interprété. Parce que quand je dis que c'est quand on est bien avec rien, donc je suis bien. Ouais, mais si tu meurs, je mourrai. Alors, si tu meurs pas, je vivrai. Mais s'il y a un avion qui tombe, là, ben, tombera. T'es bien malade. Oui. T'es bien avec rien. Quand t'es bien avec rien, tu commences à te centrer. Quand tu commences à te centrer, tu vois. Puis là, quand je suis bien avec rien, j'ai pas besoin de raison émotive pour me dire, Daniel, tu mérites de t'acheter du nouveau linge. C'est beaucoup moins souffrant aussi. Ben écoute, à un moment donné, c'est pas que ton linge est usé ou ton linge n'est pas usé. Ça, c'est des raisons qu'on va se donner. À un moment donné, vous promenez, vous allez magasiner pour les autres. Très souvent, quand on est des parents, on magasine pour les autres. Vous promenez, vous voyez quelque chose qui vous plaît. Ben, à après 2, 3, 4, 5 petites fois pour être en avant, ça nous plaît toujours. Probablement qu'énergétiquement, si on a ce qu'il faut pour se le payer, parce que le piège de l'astral, c'est d'endetter l'humain. Comme ça, quand ça va être le temps d'acheter la bonne affaire, vous ne pourrez pas. Vous allez acheter les autres. Vous connaissez ça? Je connais ça. À quel moment donné, quand ça fait 3, 4, 5 fois, tu sais, ouais, mais d'un coup, que j'en repasse, puis il est vendu. Ben, il sera vendu. Resté par le nez. Tu te dis, soit les 15 piastres économisés, 125 piastres, 500 piastres économisés. Quand tu repasses, puis il est toujours là, puis tu as l'argent, puis ça te plaît, puis c'est une dépense qui n'a pas de sens, ça a peut-être bien du sens. C'est la matière qu'on va acheter est un véhicule énergétique qui va faire en sorte que l'humain va être capable de se supporter, de se reconnaître, il va continuer à aller chercher de l'énergie. Sinon, ce qui arrive progressivement à cause de la médiocratie qui habite l'humain, que l'humain va refuser, rendu à un certain niveau d'énergie, de monter plus haut. Pourquoi il refuse? Parce qu'il n'est pas capable de supporter son énergie. Pourquoi il ne peut pas la supporter? Parce qu'il ne se sert pas d'outils matériels pour l'aider à la supporter. Alors, nécessairement, une petite gorgée pour ramener la gorge. Nécessairement, c'est extrêmement important, et ça marche, c'est extrêmement important qu'un président ou un premier ministre se promène avec un décorum plus élevé. C'est extrêmement important qu'un président de compagnie se promène avec un décorum plus élevé. Mais lui, si on regarde par exemple la philosophie du communisme chinois, cubain, URSS, ex-URSS, le patron ne doit pas être plus haut que ses employés. Le camarade patron doit se promener en bicyclette, lui aussi. Ou en Lada, quand tout le monde en a. Mais ce que ça fait? Ça fait que l'aristocratie, finalement, a tendance à fuir ces endroits-là. Parce que l'humain ne peut pas supporter par la matière ce qu'il est. Puis en plus, l'intelligence a fui. Bien, l'intelligence descend dans l'aristocrate au départ. L'aristocrate n'est pas nécessairement riche. Pas là. Puis aujourd'hui. Il n'y a pas qu'un aristocrate ici qui sont pauvres. Pour l'instant. Dans le passé, l'aristocrate était riche. Où il faisait des émeutes. Aujourd'hui, c'est disséminé. On verra pourquoi. Là, ce qui va arriver à un moment donné, c'est que dans ces pays-là, l'aristocratie va fuir. Prenons un exemple. Il y a une petite île qui s'appelle la Chine populaire. Il y a un pays qui s'appelle la Chine communiste. C'est des Chinois. Chiang Kai-shek s'est ramassé sur une île. Puis Mao Tse-tung s'est ramassé sur le continent. Il y a un des deux endroits où on a laissé l'aristocratie. L'autre, on l'a interdit. La petite île est plus riche que toute la Chine. Alors, l'intelligence descend dans l'aristocratie, mais comme l'aristocratie, c'est ce qui va innover, amener du neuf, il faut absolument que le peuple la conserve. Donc, évidemment, l'aristocratie, à travers le temps, aujourd'hui, c'est disséminé. Pourquoi? Uniquement parce que les êtres humains ne sont pas suffisamment centrés dans leur intelligence. Les aristocrates, aujourd'hui, sont disséminés partout. Il y en a qui ont du talent, il y en a qui ont du succès. Bon. À l'échelle humaine. Fait qu'il y a une personne qui est un peintre, là, c'est extraordinaire, c'est beau, c'est merveilleux, ça se vend pas. L'autre, lui, il éternue sur sa toile, puis ça se vend, ça n'a pas de sens. Il y en a qui ont du talent, il y en a qui ont du succès. En affaires, c'est pas la même chose. Il y en a qui ont des idées géniales, ça ne marchera jamais. L'autre, il y a une idée conne, ça se vend, c'est impeccable. Alors, à un moment donné, il y en a qui vont dire, moi, là, tu sais, brillant comme je suis, si j'avais l'argent ou si j'avais, tu l'as pas. Puis l'autre, là-bas, là, il est là, puis c'est pas quoi faire avec son fric, là, lui, là. T'as des exceptions. Il y a du monde qui a de l'argent, qui sont brillants. Mais la majorité des gens qui vont avoir de l'argent, j'appelle ça des gardiens de l'argent, c'est des gardiens de la finance, donc ils gardent l'argent en attendant, parce que l'argent, ça disparaît pas. Puis il y a une récession économique, là, il manque pas d'argent. Puis quand ça va bien, après, il n'y en a pas de plus. Il n'y a rien qui se perd, il n'y a rien qui se crée, hein? C'est-à-dire, c'est pareil.